Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce cinéphage spécial Margot Robbie. Pour cette émission, je serai accompagné de Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour. Avec qui nous allons évoquer ses goûts cinématographiques et la carrière de Margot Robbie, l'actrice australienne. On va découvrir aussi sa filmographie, diverse, comme on pourra le voir dans notre rubrique « Vu, pas vu ». Mais maintenant, place à notre invité du jour. Alors Lisa, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi j'ai 15 ans, donc je suis en seconde au lycée. Voilà. Et tu fais quoi comme spécialité ou tu t'orientes vers quoi éventuellement ? Là, l'année prochaine, j'ai choisi de faire maths, SES et théâtre. Voilà. Donc la tête et les jambes, comme dire, tac, et la culture surtout. Ouais, Et justement, quelles sont tes passions ou hobbies dans la vie ? Du coup, moi j'aime beaucoup le théâtre. J'en fais depuis 8 ans maintenant. Ah oui, quand même. Ouais. Et voilà. Qu'est-ce qui se plaît dans le théâtre ? J'adore en faire. J'adore être sur scène parce que... t'as un personnage, c'est pas toi qui es sur scène, et ça me plaît. Puis j'aime beaucoup en voir aussi. Et le cinéma, tu y vas un petit peu ? Ouais, j'essaye, on y va avec ma mère, là ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, mais j'adore. Alors, quel est justement ton premier souvenir de cinéma ? J'ai dû aller voir des Disney quand j'étais petite, mais je pense le premier film qui m'a marqué, c'est Ma vie de courgette. Voilà, donc je peux faire peut-être un petit... Oui, tu peux en parler, parce qu'en plus, je sais qu'il y a plein d'auditeurs, et puis Madame Cinéoff, qui s'appelle Solène Berger, un petit coucou d'ailleurs, c'est un de ses films fétiches. Ah, du coup, c'est un film d'animation, et donc Courgette, c'est comme ça que l'appelait sa mère. Donc c'est un petit garçon qui va perdre sa mère, et qui va aller en foyer pour enfants, et il va vivre plein d'aventures, et... avec ses nouveaux amis, et c'est un super film, voilà. Oui, visiblement, ça a été très, très bien coté. Ouais. Il est passé dans plusieurs festivals, et ça a toujours reçu un bon accueil. Ça fait toujours plaisir, justement, de voir des films d'animation français, oui, qui sont passés à l'international et qui marchent très bien. Alors maintenant, quel est ton format de ciné favori ? Tu serais plutôt 3D, noir et blanc, VO, numérique ou bien traditionnel ? Moi je suis assez ouvert, donc j'aime bien tout, mais en général je regarde souvent les VO, sauf pour les films d'animation. Puis sinon je suis ouverte. Ouais, tu regardes un petit peu de ouais. Tout. C'est bien. Ouais. C'est bien, continue. vaste question, que représente le cinéma pour toi ? Le cinéma c'est un peu pour moi comme un exutoire. J'y vais avec ma mère, ça fait des moments en famille, je trouve ça super, et puis ça nous coupe un peu du monde, et tout en l'ouvrant en même temps. Enfin, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est cette double fonction, entre guillemets, ouais, de s'échapper du réel, du quotidien, et puis aussi de rêver, de partir. Puis ça te donne peut-être des idées aussi pour jouer des personnages. Ça peut. Maintenant, si je te demande, quels sont ton ou tes trois films préférés ? Alors... je vais commencer par Close, de Lucas Don, hein, toujours. Donc c'est l'histoire de Rémi et Léo, qui sont très amis. C'est au moment de leur transition vers l'adolescence, et il va se passer un drame, et voilà, et ils vont essayer de surmonter. Ensuite ? Après, un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps, ils sont tous sortis il n'y a pas si longtemps, Perfect Days, de Wim Wenders. Donc c'est juste un quotidien, c'est le quotidien d'un homme qui nettoie les toilettes publiques au Japon. Il est super, il est doux, il est beau, enfin voilà. Il a été présenté à Cannes, je crois. Oui, aussi. Parce qu'on avait fait une émission et on avait évoqué le fait que Wim Wenders, c'est un spécialiste de Cannes, on le voit. Et ce film-là, justement, nous avait marqué, on en avait parlé entre nous avec, de cette sélection. Et bon, Wim Wenders, oui, c'est vrai que c'est du cinéma d'auteur, mais bon, qui traite de sujets quand même, en général, assez divers et intéressants avec son œil bien spécifique. Ouais, je l'ai vu au cinéma, celui-là, il était super. Ouais. Bon, voilà. Et le dernier, j'ai pris The Quiet Girl. Je sais pas si... Vas-y, pitch. Bah, c'est un film qui se passe en Irlande, en 1900, je sais pas combien. Voilà, donc c'est une petite fille qui est négligée par ses parents. Et en fait, elle est envoyée vivre chez, je crois, la cousine de sa mère. Et là-bas, elle trouve l'épanouissement et l'affection qu'elle n'avait pas eu. Et elle est obligée de sortir du cocon familial pour commencer à vivre une vie un peu normale, disons. Oui. Si maintenant, je te demandais ton acteur préféré et pourquoi ? Alors, mon acteur préféré, je ne sais pas trop, je pense que je vais dire Jonathan Cohen. Voilà, bon, je l'ai surtout vu dans des séries, lui, plus que dans des films. Mais voilà, je le trouve drôle. Série comme Le Flambeau, ouais, les choses le comme flambeau, ça. Ouais, Le Flambeau, Family Business. Ouais. Non, mais si, c'est vrai que il commence à se faire une bonne petite carrière en comédien. C'est ça. Voilà. Il ne se prend pas trop au sérieux. Ouais, donc ça fait ça du bien aussi de voir des comiques qui réussissent bien. Je me rappelle plus du titre de film, c'est où il joue justement un espèce de rabbin, mais raté et tout, et c'est terrible. Entre autres, et puis bon, on peut le voir dans plein de comédies actuelles. Au niveau des actrices, Alors là, je dirais peut-être Emma Stone. Ah bah oui, on s'attendait à Margot Robbie, et bah non. Emma Stone, ouais. J'aurais pourquoi? Je la trouve géniale, puis elle a fait des films un peu... en fait, elle a fait plein de films de plein de genres différents, et je trouve ça super, et je trouve que c'est une très bonne actrice aussi. Ben pareil, elle commence à se faire une bonne filmo assez éclectique aussi. Oui, oui. Elle est capable de faire vraiment dans différents styles. Et c'est là qu'on reconnaît, disons, une actrice et pas juste quelqu'un qui fait le même genre de rôle. Ah, c'est ça, c'est très différent. Et puis je trouve qu'elle joue bien plein de trucs. Ah, et puis ça peut être, pour quelqu'un comme toi qui aime le théâtre, ça peut être inspirant de voir qu'on peut faire différents personnages, aussi bien du dramatique que du comique, du film d'action ou choses comme ça. Et puis derrière, à se faire plaisir aussi. Et je pense que pour moi, un acteur, il doit prendre de temps en temps des risques. Et malheureusement, il y en a certains, c'est pas le cas. C'est pas, on ne donnera pas de nom, mais on a plein d'exemples. Ouais. Et maintenant, si je te demandais si tu as un réalisateur que tu aimes bien. Alors, je pourrais dire Lucas Don, pour Close. Il a fait Girl aussi. Voilà. Sinon, j'aime bien l'univers de Tim Burton. Voilà, ça, je trouve ça super. Alors, petite question, tu préfères le Tim Burton d'avant ou le Tim Burton Disney plutôt? D'avant. Ouais, ça, où il y avait un petit peu cette patte un peu plus fantastique, son univers. Les derniers, c'est vrai, par exemple, moi j'étais très déçu par ces derniers parce que je trouve qu'il a perdu de sa créativité, je trouve. C'était plus redondant, il fait plus des... On s'attendait à un petit peu quelque chose de renouveau. Et moi je trouve qu'il patine depuis un moment. Mais ça, c'est que mon avis. Et au niveau des musiques de films, est-ce que tu as une musique de film que tu aimes bien entendre régulièrement? La scène dans Un monstre à Paris, mais ça c'est parce que je l'écoutais quand j'étais petite, donc ça fait aussi un souvenir. Mais ça te fait toujours plaisir de l'entendre? Oui, c'est ça. Bon, en plus, c'est vrai que c'était Vanessa Paradis. Oui, c'est ça. Et puis c'était M qui avait fait la musique, je crois, si je ne me trompe pas. C'est vrai qu'on l'a entendu, même si on n'avait pas vu le film, ça passait sur les radios régulièrement, et ça passe encore sur les radios d'ailleurs. Ça représente bien aussi le cinéma français, entre guillemets, avec cette touche de la France idéalisée, entre guillemets, que les étrangers voient assez souvent. C'est vrai que ça aussi, ça a bien changé. Je te propose une première bande originale, celle de Kehlani Gangsta, du film Suicide Squad, donc avec Margot Robbie. Blue, I'm built for, I'll give be abused. I got secrets that nobody, nobody, nobody knows. I'm good on that pussy shit. I don't want what I can get. I want someone with secrets that nobody knows. Retour sur Radioactive avec le spécial Margot Robbie et avec notre invitée Lisa. Alors Lisa, quel est ton ou tes genres préférés de films ? Bah alors là encore, je sais pas trop, parce que je reste quand même assez ouverte, je sais pas. Pas un genre que tu préfères un petit peu plus que les autres regarder ? Par exemple, si on te donne un choix d'aller au ciné, tu allais plutôt vers la comédie, vers l'horreur, vers la science-fiction ? J'aime bien les comédies noires. Ça, je trouve ça... Les comédies britanniques, ça... Les comédies britanniques, il y en avait une qui est sortie il n'y a pas longtemps, j'ai plus le nom là, mais... En général, ouais, c'est... Ouais, c'est cool. C'est vrai que les Anglais ont ce côté de faire rire de choses qui ne sont pas forcément risibles. On avait parlé dans le spécial vacances, d'ailleurs c'était avec toi, le fameux touriste. Mm. Je disais où vraiment on s'attend à un thème de vacances avec des gens bien normaux, entre guillemets, et on s'aperçoit que ça peut très vite partir dans la folie et puis l'humour bien macabre. Par contre, quel est le genre de film que tu aimes peu ou pas du tout ? Alors moi, je suis pas très film d'horreur. Genre, je suis un peu... Ouais, j'ai peur, quoi. Puis, surtout quand il y a beaucoup de suspense et tout. Je sais pas. C'est-à-dire, enfin, c'est le film d'horreur pur, quoi, avec de l'hémoglobine, ouais. Ou des tueurs en série, ou des choses comme ça. Bah, après, c'est moins ce qui va me faire peur, genre... Ce qui me fait le plus peur, c'est vraiment quand c'est psychologique. Là, je flippe. Ou du paranormal, par exemple. Ouais, aussi. Mais ça va. Ça va. Donc, tu t'échapperas au serial killer. Ouais. Et maintenant, si je te demandais quel film t'a le plus marqué, en bien ou en mal ? Une scène de film ou un film que tu te souviendras toujours parce que ça t'avait vraiment laissé sur le carreau, en bien ou en mal. Hein. Mais je vais me répéter encore, hein, mes clauses. Ben oui, c'est le film qui m'a fait le plus pleurer, mais il est génial. Hein. Oh, j'adore. Voilà. Et à chaque coup que tu en parles, ça te remet de l'émotion ou... Ah bah ouais. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma ? Eh ben, ça fait longtemps. J'ai regardé un peu hier pour voir, mais je crois que c'est Mémoire d'un escargot. Donc voilà. Tu peux le pitcher un peu pour les auditeurs ? Pour leur donner envie de le voir ou pas le voir, selon tes critères. Il était bien, hein, mais je me souviens plus très bien. Je crois que c'était deux frères et sœurs qui vont perdre leur père et qui vont être séparés, envoyés dans deux familles différentes, et qui vont vivre un peu chacun de leur côté. En fait, on suit la femme, et elle entasse plein d'objets. Il est super, ce film aussi. Je me souviens plus très bien, mais... Ouais, ça t'a plu, quoi. Mais ça... il m'a plu. Donc, à voir selon tes critères. Alors, imaginons que t'es avec des copains, des copines, et t'as envie de faire une soirée, t'as envie de leur faire découvrir trois films. C'est ta soirée, tu dis, tiens, si vous voulez passer une bonne soirée, je vous propose tel film, tel film et tel film. Avec les copains, on va peut-être pas regarder des trucs trop tristes. Donc, peut-être Little Miss Sunshine. Mm-hmm. Voilà. C'est une petite fille qui rêve d'être reine de beauté et qui va être invitée à concourir à Little Miss Sunshine, hein, du coup, en Californie. Et ils vont partir dans un espèce de van avec toute sa famille. Et voilà. Ah ouais, un bon road trip movie feel good, comme on dit. Il est, C'est vrai que c'est assez sympa quand même, comme film. Sympa. Donc on commence tranquille. Relax. Voilà. Après. Aller sur la Cité de la Peur. Hein. Ah, voilà. On a une bonne référence quand même. Avec les copains, ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans la Cité de la Peur? Parce que justement, toi, t'es d'une génération qui n'a pas vraiment connu les nuls au départ, quoi. Mais c'est devenu culte. Ouais, et puis on a encore... Enfin, je trouve on a encore les références. Bon, j'ai des copains aussi qui ont des parents qui leur ont fait regarder, donc... c'est bien. Bon, c'est bien, il y a de la bonne transmission, c'est au moins, comme on dit de mais temps en temps. Du coup, on peut avoir des références ensemble, même si là, dans ma génération, tout le monde ne les a pas. Qu'est-ce que j'aime dans ce film, sinon l'humour. Il n'est pas encore dépassé, Chabat. C'est vrai qu'il continue à faire, même si t'as pas connu les nuls à leur grande époque, entre guillemets, mais que ça soit Chantal Lobby ou Bruno Carrette-Moine, il est décédé, mais Chabat ou Dominique Farrugia, ils sont toujours en train de sévir dans le milieu du cinéma, et en général, c'est assez sympa. Et de temps en temps, même quand il y a des interviews en commun, qu'on peut les voir, ils n'ont rien perdu de leur complicité. Puis je trouve qu'il a quand même bien vieilli, il est toujours drôle ce film. Tu vois. Oui, c'est vrai qu'ils n'en ont fait qu'un. Ouais. Mais c'était vraiment bien réussi. Une parodie des films d'horreur, une parodie des films policiers, des films d'action. Et puis c'est l'humour à la Monty Python un peu décalé. Ouais, et c'est vraiment sympa. Je disais Monty Python parce que. Si t'aimes l'humour anglais, il faut absolument... Ouais, j'ai vu La vie de Brian. Ouais, entre autres. Hein. Ah, Le sens de la vie, il est terrible aussi. Mais enfin, bon, c'est bon, t'as des bonnes notions déjà d'entrée. et tu finirais avec quel film? Bon, un bon vieux Shrek. Hein. Un bon vieux Shrek pour rigoler à la fin. Voilà, on reste un peu sympa dans l'humour. Voilà. Ouais, puis en plus, Shrek, ça se lit à différents niveaux. Moi, j'ai eu la chance de le voir avec le premier Shrek. J'étais au cinéma, j'étais directeur de centre, j'avais amené les enfants. On allait voir certains dessins animés, des fois, c'était un peu... Et là, c'était marrant parce qu'on voyait les animateurs et les enfants rire en même temps. Et des fois, pas des mêmes choses, mais ça se lit à plusieurs degrés. Donc, et c'est ça qui est bien, parce que moi, je l'ai vu aussi quand j'étais petite, la première fois. Puis là, je le revois souvent. Hein. Et puis, on comprend des choses en grandissant, tu vois. Et l'âne, c'est la voix française, c'est... Je sais plus. Tu viens d'en parler ? Alain Chabat. C'est Alain Chabat. J'avais... Voilà pourquoi l'humour aussi, tu vois. Chabat, on se retrouve dans l'âne avec... Ah oui, d'accord, oui. Et c'est vrai qu'on a l'impression aussi d'avoir la voix d'Eddie Murphy dans Le Flic de Beverly Hills, mais c'est Chabat qui faisait l'âne. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un peu ce second degré, et c'est un bon dessin animé, un film d'animation. Justement, je trouve que Shrek a été en partie un tournant vers le côté film d'animation, pas seulement pour les enfants. Ouais. Et c'est justement des choses qu'on peut voir en famille, et comme tu l'as dit tout à l'heure, ou revoir, et ça n'a pas trop vieilli. Pour Shrek, c'est Shrek Alain Chabat, c'est Madondo qui fait l'âne. Tu disais que l'âne, c'était Alain Chabat. C'est Shrek, Alain Chabat. Exact, mais t'as raison. C'était la voix off, c'était Vincent qui ne loupe pas. après une soirée comme ça, on va bien rigoler quand même, parce que t'as choisi quand même beaucoup d'humour. Oui, on reste... Ouais. nous as même pas mis un film un petit peu tranchant d'humour noir. Je m'attendais à J'aurais pu. Mais t'aurais pu, comme tu dis. Maintenant, on va passer au portrait cinémois. Alors, si tu étais un film, quel film serais-tu ? Alors, si j'étais un film, peut-être Nausicaa de Miyazaki. Nausicaa de Miyazaki. Voilà. Alors toi, Vincent, t'es content ? Monsieur cinéma japonais. Tout à fait. Maintenant, si tu étais un acteur ou une actrice ? Peut-être Helena Bonham Carter. Pourquoi ? C'était mon actrice préférée un certain temps. Et puis, coup, au niveau du théâtre, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de théâtre aussi. Elle est super. Et maintenant, si tu étais un personnage de film ? Bah, je vais dire Mei dans Mon voisin Totoro. Et pourquoi ? Parce que elle a quand même la chance de caresser Totoro et, et bah, j'aimerais bien. Voilà, voilà le rêve de Lisa, caresser Totoro. Il a l'air trop doux. Eh bien, je te propose une seconde pause musicale, toujours sur le thème de Mario Robbie, avec la BO du Loup de Wall Street, avec le morceau Uncontrollable Urge de Devo. Eh bien, retour au spécial Margot Robbie avec Lisa. Et on va commencer maintenant avec le coup de cœur vidéo. Alors, mon coup de cœur vidéo de la semaine, c'est Compagnon, C'est un thriller psychologique américain écrit et réalisé par Drew Hancock et qui est sorti en 2025, donc film très récent que j'ai eu l'occasion de voir. Alors, ça commence par une sortie entre trois couples d'amis le week-end dans une propriété reculée le long d'un lac. Et ça va basculer rapidement dans le chaos et dans la violence lorsqu'Iris découvre son terrible secret. En fait, elle est le robot doué d'intelligence artificielle de son compagnon. Et sa réaction va transformer le week-end en un véritable cauchemar. Donc, petite surprise sympa, hein, quand j'ai vu ce film, oh, j'ai dit un week-end. Et puis, bah, c'est très actuel puisqu'on parle de l'intelligence artificielle, des machines qui peuvent se détraquer. Bon, c'est un thème, moi, qui m'intéresse toujours, le futur et la science, ce qu'on peut en faire, hein, les espèces de Frankenstein. Et puis, bah, je vous invite à le voir parce qu'on voit les limites justement de l'intelligence artificielle et les dangers que ça peut amener. Récemment, on a pu voir un documentaire où un robot fou en Chine s'est mis, lors d'une démonstration, à attaquer les gens. Voilà, ça peut donner un petit aperçu du futur si on continue à jouer les Frankenstein. Ensuite, alors, on va passer au coup de cœur rétro. Alors là, on se balade dans le temps. On va voir La Déesse de Feu, Chi en version originale. Un film britannique réalisé par Robert Day, sorti en 65 et tiré du roman Elle ou la source de feu de H. Rider Haggard. Le professeur Holly, joué par Peter Cushing. Léo Vinci, joué par John Richardson, et Job, joué par Bernard Cribbins, partent explorer une région inexplorée d'Afrique de l'Est et ils vont y découvrir une cité inconnue qui s'appelle Kuma, grâce à une carte trouvée par Léo. Le royaume de Kuma est dirigé par Ayesha, joué par Ursula Andress, une reine immortelle et grande prêtresse qui croit que Léo est la réincarnation de son ancien fiancé, le prêtre Kallikrates, qu'elle avait tué 2000 ans auparavant à cause d'une infidélité. Elle souhaite que Léo devienne immortel lors d'une cérémonie magique durant laquelle Léo doit traverser un grand feu bleu. Mais la cérémonie est contrariée par la révolte des Hamangers, une tribu que la reine opprime depuis des millénaires. Alors, j'ai vu ce film qui m'avait marqué. C'est sur le thème de l'Atlantide, un petit peu. Et bon, Ursula Andress est vraiment géniale. Peter Cushing, on a pu le voir dans tous les films de la Hammer, pratiquement, dans des rôles de savant fou ou de policier. Et surtout, c'est l'immense amiral Tarkin de Star Wars. Voilà, entre autres. Et puis, on a pu le voir aussi en Van Helsing, hein, contre Christopher Lee qui joue Dracula. Peter Cushing, c'est vraiment... un petit peu, justement, je parlais de Christopher Lee, voilà, c'est ces acteurs anglais, un peu shakespeariens, qui ont joué au théâtre aussi, et qui ont fait une carrière jusque récemment. C'est vraiment des acteurs qui, à chaque coup, on voit leurs pattes. Le roman de Rider Haggard, moi je suis fan de Rider Haggard, j'ai lu tous les romans. C'est un bon film d'aventure, hein, si vous aimez les films d'aventure mêlant le fantastique, c'est un film qui est assez sympa. Je me rappelle, ça m'avait assez choqué, la fin entre autres, à l'époque. J'avais dû voir ça, si je ne me trompe pas, c'était peut-être à la dernière séance d'émission sur les films anciens. Et puis, bien maintenant, on va passer au coup de cœur news. Eh bien, Reda Kateb, Sarah Giraudot, Bastien Bouillon, Pierre Lotin, c'est le casting très alléchant de l'affaire Bojarski, un film d'époque inspiré d'une histoire vraie. Ce film est réalisé par Jean-Paul Salomé et devrait nous permettre de découvrir Pierre Lotin dans un registre assez différent. Hein. On l'a vu récemment dans On ira... Oui, et En fanfare, un des films qu'on avait chroniqué ici. Et le pitch se présente ainsi. Jan Bojarski, qui est joué par Reda Kateb, un jeune réfugié polonais, devient dans la France de l'après-guerre le plus grand faux-monnayeur de tous les temps, le Cézanne de la fausse monnaie. Comment cet homme mènera pendant plus de 15 ans une double vie à l'insu de sa famille, en fabriquant seul dans un cabanon au fond de son jardin des contrefaçons plus vraies que des billets sortis de la Banque de France. Et comment pendant ces années, ce faussaire hors pair réussira à éviter de tomber dans les filets de la police et deviendra la bête noire du commissaire Mattei au cours d'une traque qui, pour ses deux, va devenir obsessionnelle et va même tourner à une sorte de duel. Ce film me semble intéressant, tiré d'un fait réel, et puis j'en avais pas spécialement entendu parler. Et puis, vu les acteurs et puis les films d'époque, en ce moment, ça marche bien en France. On les réussit. Bah, vu le casting qu'il y a, ça ne devrait pas être mal. J'espère que ça vous donnera envie de le voir. Vincent, je ne sais pas, toi qui es notre découvreur aussi, comme moi, de films. Ah bah si, complètement, ça m'intrigue, parce que oui, au niveau du casting, Reda Kateb, acteur que j'admire énormément. Pierre Lottin, pourquoi pas ? Effectivement, il y a toujours cette image de Tuche qui lui colle à la peau. Mais moins en moins. Moins de moins en moins, et c'est ça qui est beau. Et autrement, c'est vrai que cette affaire-là, j'ai dû vaguement en entendre parler, parce que le titre de Cézanne de la fausse monnaie, ça me dit quelque chose. Mais donc, mettre un coup de projecteur sur des affaires policières qui ont marqué la France au XXe siècle est assez méconnu, bah, pourquoi pas. Et toi, Lisa ? Bon, moi, ça me donne envie, là, je sais pas trop. Ça a l'air pas mal. Et bien maintenant, nous allons passer au thème du jour, où là, tu vas sûrement te faire plaisir et découvrir ou redécouvrir des films de Margot Robbie, ainsi que d'autres auditeurs. Alors, quel est ton film favori sur l'acteur du jour, enfin l'actrice? Alors, je pense que mon film favori avec Margot Robbie, c'est Moi, Tonya. Pourquoi? Pourquoi? Bon, j'ai trouvé que c'était un super film et que elle joue bien aussi dedans. C'est vrai qu'elle est crédible dans cette patineuse flouée, puis entre Rizmé qui devient un peu débile, quoi. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Bah oui. Et quand on sait que c'est un biopic, donc une histoire vraie. C'est ça aussi qui est dingue. Puis, oui, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à la voir dans le rôle de la méchante, mais comme ça. Oui, c'est ça. Bah, parce que moi, je l'ai vu pour la première fois aussi dans Suicide Squad. Donc, j'aime bien aussi ce film, hein, mais c'est pour ça, pour moi, c'était plus Harley Quinn et de la voir aussi autrement. Ça... Tu l'as découvert sur notre angle. Oui, c'est ça. Alors, quel était selon toi le partenaire idéal et dans quel film de l'actrice ? America Ferrera dans Barbie. Elle joue une humaine qui va l'aider. Enfin, voilà. Ouais, de passer de ce monde de, oui. Enfin, de fantastique, entre guillemets, idéalisé, et avec quelqu'un qui vient du vrai monde. Oui, c'est ça. Alors, quelle est la musique de film de Margot Robbie que tu préfères ? Une de celles qu'on a écoutées ou, ou d'autres ? Y en a une dans Suicide Squad de 21 Pilots. Je sais pas dire le nom en anglais. Ouais. Non, mais je vois laquelle. Oui. Tu okay. fais allusion, parce que quand j'ai préparé l'émission, je me demandais les musiques que j'allais mettre et j'ai écouté cette musique en effet. Voilà, d'accord. Donc à vous de la découvrir, les auditeurs, si vous voulez voir. Il y a plein de choses encore. Pour toi, quel est ton personnage favori de l'acteur, de l'actrice? Je sais pas trop, parce que tout ce qu'elle a joué, tout ce que j'ai vu qu'elle a joué, Harley Quinn, c'est celui que j'ai associé vu que je l'ai vu en premier. Donc voilà. Après, je trouve, du coup, elle a bien joué Tonya. Puis Barbie aussi. Voilà, c'est les trois rôles qui t'ont, qui pour toi, t'ont le plus marqué de sa carrière. Eh bien, ce que je te propose maintenant, c'est comme on fait d'habitude. Hein, alors là, ça ne sera pas exhaustif, on va tous les citer, puisque elle a une bonne filmo, mais ce n'est pas encore une filmo comme des personnes qui ont une carrière très très longue. Elle est jeune aussi. Voilà, et ça commence en 2008 quand même, sa carrière. Oui. Donc, mais elle a déjà quand même une bonne petite carrière. Mais on va commencer par, en 2008, justement, le film Vigilante d'Ash Aaron, où elle joue le rôle de Cassandra, donc une de ses premières apparitions sur le grand écran. J'ai eu l'occasion de le voir, c'est vrai qu'on ne le voit pas longtemps. Mais en 2009, elle fait ICU, encore d'Ash Aaron, hein, où elle joue le rôle de Tristan Waters. Ensuite, en 2013, on la voit dans Il était temps, About Time, de Richard Curtis, où elle joue Charlotte. Pareil, j'ai l'occasion de le voir. Mais vraiment, en 2013, le film qui va la révéler au grand public, c'est Le Loup de Wall Street, de Martin Scorsese, où elle joue le rôle de Naomi LaPaglia Belfort, aux côtés de Leonardo DiCaprio, entre autres Jean Dujardin. Enfin, il y a un casting de ouf. Et là, elle fait vraiment apparition. As-tu vu Le Loup de Wall Street ? Eh bien non. mais je veux le voir. Ouais, ouais, ça, c'est... Justement, on a vu que tu l'as découvert dans certains films, mais le Loup de Wall Street, c'est... ça vaut le coup justement de voir un petit peu ce microcosme de gens qui surfent avec l'argent comme du Monopoly et sur le dos des gens. C'est assez bien de voir comment ces gens sont complètement déconnectés de la réalité. Ouais, je veux voir. Ensuite, on peut l'avoir en 2015 dans Les Survivants, Z for Zakaria de Craig Zobay ou Joe Ann Burden. On la retrouve en 2015 dans Diversion, Focus dans sa version originale, de Jan Ficarra et John Begar, où elle joue le rôle de Jess Barrett. Ensuite, on va en France, puisqu'en 2015, elle joue dans Suite française de Saoul Diab, le rôle de Céline Joseph. Ensuite, en 2015, The Big Short, le casse du siècle, d'Adam McKee, et elle joue elle-même, elle fait juste un caméo, on la voit dans le film. Bon, j'ai vu ce film-là, en effet, elle fait qu'une courte apparition où elle joue Margot Robbie, donc c'est pas compliqué de jouer son rôle. Ensuite, en 2016, on la voit dans Whiskey Tango Foxtrot de Glenn Ficarra et John Reca dans le rôle de Tania Vanderpool. Eh non, elle joue pas le rôle de Tania qu'on verra plus tard. En 2016, Tarzan, The Legend of Tarzan de David Yates, où elle joue la fameuse Jane, la compagne de Tarzan. C'est marrant parce que ce film-là, je l'ai vu et à l'époque, elle n'était pas si, pour moi, si connue que ça. Et c'est après, en voyant plus tard Suicide Squad, je fais ah bah oui, c'est. Et c'est. Elle joue une Jane assez, assez bien jouée. Ensuite, on a en 2007, justement, Suicide Squad de David Ayer, où elle joue le fameux personnage d'Harley Quinn. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce film, toi ? Déjà, je vais peut-être dire de quoi ça parle. Oui, tu peux. Du coup, c'est pour un peu sauver le monde, je crois. Oui, ils font une espèce d'équipe de super méchants. Zéro. Ouais, c'est ça. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai bien aimé dans ce film ? Bon, c'est un film un peu d'action. Bon, ce film, ouais, super-héros. Ouais, c'est ça. Mais un peu à la Deadpool, plutôt des gens qui sont plutôt foutraques, un peu barrés, des taulards. Je trouve qu'elle sort vraiment du lot. Oui. C'est heureusement qu'elle est là, je dirais, pratiquement. Parce que sinon, on aurait eu un film un peu plus plat. Mais c'est vrai que ce personnage complètement déjanté, la belle gosse... qui se maquille n'importe comment, qui joue dans l'outrance et puis qui manie la batte de baseball, mais avec perfection. Avec des voix dans sa tête. Et puis, il faut dire que, pour compléter le personnage, c'est quand même la copine du Joker, le plus grand ennemi de Batman. Donc, ça vous donne... Pour être avec le Joker, il faut être aussi taré que lui, je pense. C'est ça. Ensuite, en 2017, je vais jouer dans Goodbye Christopher Robin de Simon Curtis. Elle jouera Daphné de Salincourt. Et puis, ce coup-ci, en 2017, elle joue aussi Tania dans Moi, Tania de Craig Gillespie, où elle va jouer le rôle de cette fameuse patineuse Tonya Harding qui, tu peux pitcher un petit peu pour les auditeurs qui n'auraient pas vu le film ou entendu parler. Alors, du coup, c'est la vie de Tonya Harding. Donc, c'est patineuse artistique qui a pas fait d'études, qui passe sa vie à patiner, qui va être avec un homme qui la bat. Puis il la manipule, quoi, carrément. Carrément, oui. Puis sa mère aussi, qui est un personnage un peu... qui est assez violente avec elle... C'est vrai que c'est quelqu'un qui est élevé dans la violence, oui, et qui subit, c'est une victime au départ. Elle fait que ça, bien sûr. Et il va y avoir une histoire, du coup, avec une autre patineuse. Nancy Kerrigan. Moi, j'étais trop jeune pour suivre la vraie histoire. Mm-hmm. Donc, Nancy Kerrigan, qui était sa rivale olympique, on peut dire. Oui, c'était pour aller aux Jeux olympiques. Les deux grosses patineuses qui étaient en compétition, c'était ces deux filles-là. Mm-hmm. Et il y a une rivalité, en fait, on explique la rivalité qui va se terminer d'ailleurs dramatiquement, puisque... le copain de Tania va... c'est pas lui, monter, vraiment. Ouais, monter un coup. Bon. Monter un coup et je crois c'est casser une jambe. Oui, mettre un coup de marteau carrément dans le genou de sa rivale. De sa rivale. Rien que ça. Mais elle n'était pas au courant. Mmh. pas vraiment. Pas vraiment. Voilà. Pas jusque là. Non, mais donc bah, tout ça pour la gloire, la célébrité, oui, parce que bon, son ami, c'est plutôt celui qui est intéressé par la gloire et le pognon, il faut le dire. Oui, c'est plutôt, oui. Alors qu'elle, il y a quand même ce côté rêve de devenir la meilleure patineuse. Bah, et puis, elle, c'est toute sa vie. Voilà. Donc c'est autre chose. C'est le seul moment où elle peut s'échapper de sa condition sordide et bon, elle se retrouve entraînée, mais malgré elle. Dans une affaire qui va la dépasser, en plus fomentée par des amateurs. Donc en général, ça ne va pas très loin. Ensuite, on va la retrouver en voix originale, en Flopsy, dans Peter Lapin, donc Pierre le Lapin, de Will Gluck. En 2018, elle va jouer dans Terminal de Wogenstein, le rôle de Annie et de Bonnie. En 2018, Les Sœurs de Pierre. Donc Flopsy Turvy, un court-métrage de David Scott où elle reprend la voix originale dans Pierre le Lapin. Ensuite, en 2018, un petit peu d'horreur avec Massacre au Pensionnat, Slaughterhouse Rules de Christian Smill où elle va jouer Audrey, donc elle fait juste une petite apparition, un petit caméo. Ensuite, en 2018, un rôle où on ne l'attendait pas forcément. Moi, elle m'avait surpris déjà dans Aller en Rousse. Et elle joue Marie Stuart, reine d'Écosse, donc Marie Queen of Scots, de Josie Rourke, où elle joue la reine Elisabeth Ière. Moi, elle m'avait épaté. Je ne m'attendais pas du tout à la voir dans un rôle historique comme ça. Et c'est là qu'on voit que c'est une bonne actrice, parce qu'elle est crédible. Elle est vraiment crédible dans le rôle de cette reine un petit peu sadique, puisque sa concurrente, c'est Marie Stuart. Et on voit qu'elles ne sont pas faites de cadeaux. Eh bien, je te propose à nouveau une bande originale de film. C'est Ozier, Better Love, du film La Légende de Tarzan. I once kneeled and shaken through, chasing the memory of it still, of every tear, chided by the silence of the hush sublime, lying to the purpose of the brute divine. But you staring in her blackness at some distant star. The thrill of knowing how alone we are, unknown we are. To the world and to the both of us, I confess the longing I was dreaming of. Some better love, but there's no better love. Beckons above me, there's no better love. Whatever is love me, there's no better love. Feel better. Feel better. de retour dans ce spécial cinéphage Margot Robbie, toujours avec Lisa et toujours sur Radioactive. On continue donc avec ce vu, pas vu, avec le film Dreamland de Miles Jury Perfit, donc, où elle joue le rôle d'Alison Wells en 2019. J'ai pas vu, donc je ne peux pas commenter. Je ne sais pas pour toi. Moi non plus. Ensuite, un film, oui, que là, j'ai vu et que j'attendais et que je suis à moitié déçu, c'est le Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, où elle joue le rôle de Sharon Tate. Un espèce de biopic, puisqu'on mélange la réalité d'Hollywood avec de la fiction, avec le fameux, la fameuse sexe du tueur en série Charles Manson. Moi, j'ai trouvé ça bizarre, ouais, de partir sur ce côté un peu mélange de Tarantino. Je croyais qu'on avait parlé soit vraiment de la famille Manson ou d'Hollywood. Et là, bon, très bon casting, bon film. Mais voilà, j'étais un petit peu dérouté de ce mélange de genres. Après, je vois ça à prendre au premier sens du « il était une fois ». C'est pour moi, c'est, il s'imagine le Hollywood tel qu'il aurait aimé que ça se passe, avec du coup cette figure de Sharon Tate qui je pense, oui, a dû être un de ses fantasmes quand ouais, il était il quand le côté il était de mélange, jeune, mais ouais, moi j'ai... Enfin, voilà, je m'attendais à autre chose. Mais bon, après, c'est bien aussi d'être surpris de temps en temps. Ensuite, en 2019, un biopic scandale, Bombshell de Jay Roach, où elle joue le rôle de Kayla Popsicil. Donc ça aussi, c'est de l'histoire vraie. C'est sur un petit peu dans le ton de l'affaire Epstein et compagnie. C'est un petit peu ces présentatrices de journal qui étaient obligées de faire une promotion canapé pour arriver à avoir de l'importance. Donc ça dénonce un peu ce système avec une Nicole Kidman qui est excellente aussi dans ce rôle. Je ne sais pas si tu as vu ce film. Non. Donc vraiment, je le conseille. Elle est aussi excellente en espèce de jeune qui arrive, jeune journaliste qui arrive et qui est prête à tout pour gravir les échelons. Et puis, ces vieilles concurrentes, entre autres jouées par Nicole Kidman, qui un petit peu essayent de se rebiffer. Puis après, bon, on va comprendre que l'union fait la force. Et pour défendre leurs conditions féminines, elles vont faire tomber l'ignoble dans leur trappe. Et le film est très bon. Ensuite, en 2020, elle reprend son rôle d'Harley Quinn dans Bird of Prey. De Cathy Yan. Je ne sais pas si tu as vu la suite. Oui, je l'ai vu aussi. Mais j'ai préféré le premier, moi. Ouais. C'est malheureusement le cas souvent de tous ces films de super-héros, c'est que le premier nous surprend et le deuxième beaucoup moins. Mais lui, c'est surtout axé sur la vie d'Harley Quinn, c'est pas... Oui. Mais bon, c'était sympa, mais bon... Oui, c'est ça... Sans plus. En Suisse, bien pareil, elle revient à Pierre Lapin 2, a fait toujours la voix de Flopsy dans la version originale. En 2021, The Suicide Squad, où elle reprend le rôle d'Harley Quinn de James Gunn. Alors là, ça devient de moins en moins intéressant. Ensuite, en 2022, elle va jouer dans Amsterdam de David O. Russell, où elle va jouer le rôle de Valérie Vos. En 2022, elle avait joué dans le film de Damien Chazelle, Babylone, de Nelly Leroy. Alors, moi, j'ai trouvé assez sympa cette... on parlait tout à l'heure de Hollywood, de Il était une fois Hollywood. Alors là, c'est vraiment les débuts du cinéma parlant, entre autres. Et on voit aussi toute cette mafia qui roule autour de Hollywood, tous ces personnages un petit peu sulfureux, et puis les gens qui sont prêts à tout pour arriver. On parlait des promotions canapées, de la mafia qui fait la loi là-bas, des producteurs qui sont plus ou moins véreux. Donc c'est, moi j'ai trouvé par contre ce film beaucoup, j'ai préféré ce film-là, plus un casting vraiment d'enfer. As-tu vu ce... Non. Donc, à voir aussi. À voir. Là, tu vas le voir encore dans un autre registre. En 2023, Asteroid City de Wes Anderson, où joue l'épouse décédée de Steinbeck, l'actrice de théâtre qui l'interprète. En 2023, bien le film qui a un petit peu fait parler beaucoup, Barbie, de Greta Gerwig, où elle joue ben, le rôle le principal, celui de Barbie. Tu l'as vu ? Ouais, je l'ai vu aussi. Alors ? Bah, moi, j'avais pas trop écouté toutes les, bah, tous les trucs qui sont dit, genre, avant que ça devait être un film féministe et tout. Donc, je l'ai vu bah, sans a priori. Et du coup, bah, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Après, voilà. Ouais. Vincent, as-tu vu ce film ? Pas du tout. Ok, bah, moi, je l'ai vu et bah, je l'ai pas regardé très longtemps. Ça m'a gavé rapidement. Mmh. Je trouve que, voilà, moi je m'attendais justement à avoir un univers, mais je trouve que c'est un petit peu l'univers des jouets qu'on essaie, les Lego, les, voilà, c'est, c'est un petit peu, du, pour moi, on n'a pas de scénario, allez hop, c'est, hein, si on mettait en scène ça, voilà, on prend des acteurs qui sont connus. Ouais, c'est ça. Puis, bon, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Je veux dire, moi, j'attendais beaucoup plus. Bon, Margot Robbie joue un rôle. Bah, jouer une Barbie, bon, physiquement, elle est très jolie et tout. Mais ça rapporte rien. Je trouve, voilà, le féminisme, il y a mieux pour défendre c'est le sûr, féminisme. C'est sûr, ça. Donc, voilà. Donc, après, c'est... On s'est trompé de cible pour moi. Mais bon, après, si on aime, on aime. Il faut être fan de Barbie, c'est tout. En 2025, il y a donc des films arrivés. Il y aura... Big Bold Beautiful Journey de Cognora Rada, où elle joue le rôle de Sarah. Et puis, on pourra la voir aussi dans Wuthering Heights d'Emerald Fennell, où elle jouera le rôle de Catherine Hershaw. Donc, à venir, je n'ai pas vu ces films-là, même en pré-vision, comme on peut voir de temps en temps. Voilà. Donc, bah, on lui souhaite quand même une carrière un peu plus longue, hein, parce que, et puis de se relancer avec peut-être, je sais pas les deux derniers, mais voilà, de reprendre un petit peu des rôles un peu plus que Barbie, oui. C'est, elle mérite mieux. C'est sûr. Elle mérite mieux. Et bien maintenant, nous allons passer aux sorties et événements de nos partenaires, les cinémas CGR Centre de Tours et Studio de Tours. Alors, on commence par le CGR Centre. Alors, une avant-première de Superman, le mardi 8 juillet à 19h30, une nouvelle version. Donc, pour les fans du héros à la cape et du slip rouge. Non, mais maintenant, c'est plus ça. Un petit clin d'œil à Dino, qui va sûrement sauter sur ce film. Ensuite, en avant-première, eh bien, on aura Dangerous Animal, le vendredi 11 juillet à 20h. Toujours donc au CGR Centre. Une avant-première pour les plus jeunes, Les Schtroumpfs, du dimanche 13 juillet au lundi 14 juillet. Donc vous pourrez voir à différentes séances le film Les Schtroumpfs. Les soirées cultes, on va un petit peu avancer dans le mois de juillet, puisque le 16 juillet à 19h45, on aura le droit à Bienvenue à Gattaca, alors un film excellent que je vous conseille, sur justement les dangers de la génétique, et quand on va avoir des hommes parfaits, on peut voir une société qui peut très très très mal évoluer. J'avais adoré ce film avec Ethan Hawke, entre autres. Vincent, je pense que tu l'avais vu, non ? Non plus. Non plus. Ah. Ça fait partie de ces films qu'il faut que je voie. Oui, je pense que tu ne seras pas déçu. Lisa, si tu veux aussi découvrir l'intelligence, enfin plutôt la génétique et les gens qui jouent à Frankenstein et faire de l'homme parfait, une société parfaite, ça fait froid dans le dos. Et puis une autre soirée culte, alors là pour les fans de Born to be Ride, Easy Rider, le mercredi 20 août, à 19h20, donc la musique, bien sûr, Steppenwolf, Born to be Wild, mais quand je dis Born to be Ride, c'est parce que c'est vraiment la moto, si vous êtes fan de Harley Davidson, du mouvement hippie des années 70, de la vie libre, ben, on peut voir d'ailleurs un Jack Nicholson débutant dans un rôle d'avocat, qui se retrouve avec Peter Fonda, entre autres. La BO est géniale, le film très, très connoté années 70, mais vraiment un classique à voir absolument et un très bon choix de nos amis des CGR Centre. Et puis, le studio n'est pas en reste, puisque c'est les vacances, mais il y a beaucoup de choses au cinéma, avec le marathon de l'été qui revient au cinéma studio du 4 au 6 juillet. 7 films en version originale, sous-titrés français, sont proposés sur 3 jours. C'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des pépites du célèbre studio de distribution et de production américain A24 sur grand écran. Alors, il y aura autour des animations qui seront proposées, comme chaque année, un quiz en salle avec la projection de The Witch le 4 juillet, avec de nombreux lots à gagner. Un apéro après la séance de mid-90s le 5 juillet et des présentations de chaque film avant les séances. Une exposition en parallèle de l'artiste Cam Cam dans le hall autour des œuvres A24. Un diplôme officiel pour celles et ceux qui présenteront leurs 7 tickets en fin du marathon. Et puis, possibilité de l'achat de l'affiche officielle de l'événement qui a été conçue par Franck Tenier à prix libre. Pour ce marathon, les 7 films proposés seront, donc on a déjà parlé de 2, c'est The Witch et Mid-90s, mais les 5 autres, ce seront Everything Everywhere All at Once, Midsommar, Hérédité, Aftersun et Under the Silver Lake. Ok, bon, un choix sympathique, hein. Surtout Midsommar, si vous aimez l'horreur un peu glauque, ça part dans Youpi, Youla, Tralala, chouette, fête traditionnelle dans les pays nordiques, et ça finit, on vous laisse deviner. Et gros choc, hein, ce film-là, ça avait été un gros choc pour moi. Pourtant, j'ai l'habitude. Ensuite, eh bien, y aura une avant-première de Put Your Soul on Your Hand and Walk le mardi 8 juillet à 19h. Puis, on pourra avoir I Love Peru, une rencontre avec le réalisateur Hugo David. Et ça, ça sera le vendredi 11 juillet à 19h45. Et puis, un peu plus tard encore, il y aura la Soirée de l'horreur qui revient pour sa 7e édition. 3 films d'horreur sur grand écran pour trembler et s'amuser jusque tard dans la nuit. Entre chaque séance, des jeux et des animations avec des lots à gagner, ainsi qu'une buvette hot dog, salade et autres délices. Le bal horrifique ouvrira à 18h avec un blind test, musique de film et des lots à gagner. Et surtout, vous pouvez venir déguiser. Et puis, on en reparlera un petit peu plus en détail dans notre prochain cinéphage, puisque la date est un peu plus loin. Et du coup, les 3 films à l'affiche pour cette soirée-là, ce sera le premier Scream de Wes Craven, dont on a parlé évidemment dans notre série War Scream, que vous pouvez retrouver en podcast sur la page Facebook Radioactive 94.7 et 93FM. Un peu d'autopromo, ça fait jamais de mal. Ensuite, il y aura It Follows et Crawl. Oui, donc une bonne sélection de films d'horreur. Je les ai vus les 3, mais voilà, c'est très très très bon. Scream, bon, le premier était, ouais, sortait un peu d'ordinaire, avait relancé un peu la mode des slashers, mais après, c'est vrai que les autres Scream, bah, c'est devenu une saga avec plus ou moins de réussite. Mais bon, à voir justement, c'est toujours sympa de redécouvrir pour les gens qui n'ont pas connu le Scream original sur grand écran. Puis de toute façon, toujours un film sur grand écran pendant les vacances, c'est toujours sympa. Surtout au cinéma, dans une soirée prévue à cet effet. Voilà, une soirée ambiance. En général, les studios comme les CGR Centre nous font des super soirées, très bien animées, avec des choses à gagner, des rencontres. On passe toujours un bon moment et c'est beaucoup plus sympa que de se mettre devant un écran tout seul à regarder un film. Aller au cinéma, et en plus les salles sont climatisées, donc c'est, par ces temps de canicule, c'est super sympa. Et puis aussi, n'oubliez pas, il y aura la fête du cinéma qui se termine aujourd'hui, et donc puisqu'on est mercredi, mais vous avez encore la possibilité, après avoir écouté Cinéphage, de vous ruer vers le cinéma pour aller voir un film à 5€, ça vaut le coup. Je pense que la plupart de nos auditeurs auront déjà commencé depuis le 29 juillet à y aller, mais allez-y, hein, le cinéma à 5€, c'est pas tous les jours, profitez-en. Et nous voici arrivés, bien sûr, à la fin de ce cinéphage. J'ai oublié de dire que vous pourrez bien sûr retrouver tous les films qui sont à l'écran en allant sur les sites respectifs de nos partenaires. Et puis, bien oui, fin de ce cinéphage spécial Margot Robbie, en vous présentant bien sûr tous nos remerciements d'abord à Lisa pour avoir été notre invitée. Merci Lisa. Merci. Merci à Vincent à la technique. Et puis, aussi à tous nos auditeurs d'avoir pris le temps de nous écouter. Et puis, comme on a des retours favorables de temps en temps, ça fait toujours plaisir. On voit qu'on arrive à aussi contenter un petit peu tout le monde. Vous pouvez devenir aussi l'invité de l'émission Cinéphage en appelant Radioactive, n'hésitez pas, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera et puis qu'on vous recevra pour vous dire un petit peu quel thème on prendra et puis parler de ciné tous ensemble. Vous pouvez aussi retrouver les émissions Cinéphage et Cérivore en podcast sur radioactivefm.fr, notre Facebook. Vous pouvez aussi jouer au Cinéphage et Cérivore Quiz sur notre page Facebook. Pour cela, il suffit de demander à rejoindre le groupe et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera pour voir un petit peu. En général, j'essaye de suivre les thèmes des cérivores et des cinéphages et vous verrez qu'on complète un peu ce dont on a parlé dans ces émissions. En attendant de se retrouver bientôt pour un nouveau cinéphage, continuez à dévorer films et BO sans modération. Bye bye.